Osée chapitre 3. Après cela l'Éternel me dit, va encore aimer une femme aimée d'un ami, et néanmoins adultère, selon l'amour de l'Éternel envers les enfants d'Israël, qui toutefois regardent à d'autres dieux, et aiment les flacons de vin. Je m'acquis donc cette femme-là pour 15 pièces d'argent, et un homme et demi d'orge. Et je lui dis, tu demeureras avec moi pendant plusieurs jours, tu ne t'abandonneras plus, et tu ne seras à aucun mari, et aussi je te serai fidèle. Car les enfants d'Israël demeureront plusieurs jours sans roi et sans gouverneur, sans sacrifice et sans statut, sans éphod et sans théraphime. Mais après cela les enfants d'Israël se repentiront, et rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David leur roi, ils révéreront l'Éternel et sa bonté au dernier jour.